Lee Jong-hyuk, directeur du Centre d'études de la réunification de la patrie et chef de la délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a prononcé son discours le 25 octobre à la session plénière de la 135e Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue à Genève, Suisse. Il a dit « À l'ONU, à l'Union interparlementaire et ailleurs, sont adoptées beaucoup de résolutions sur l'assurance des droits de l'homme, mais à l'échelle mondiale, les droits de l'homme sont toujours violés, l'antagonisme et le conflit entre les nations et les civilisations sont accentués pour ainsi menacer gravement la paix et la sécurité du monde et le droit de l'humanité à l'existence. La sanction politique et économique sans précédent livrée par les États-Unis contre notre République est le crime contre les droits de l'homme, crime d'extermination massive qui refuse et supprime le droit d'une nation à l'existence. Les États-Unis et autres forces hostiles pour qui l'hostilité à l'égard de la République populaire démocratique de Corée est une politique d'État s'attachent à la sanction économique et à la campagne lâche pour calomnier les droits de l'homme sans pouvoir réaliser à jamais leur tentative d'effondrer notre République. Mais toute sanction, tout blocus, tout complot ne peuvent intimider notre peuple ni ternir l'image de notre République qui assure toujours d'authentiques droits de l'homme. Il faut rejeter catégoriquement la sanction économique atroce des États-Unis contre les pays membres de l'Union comme Cuba, Iran, Syrie, Soudan et Congo démocratique. Les peuples de tous les pays attachés à l'indépendance, à la justice et à la paix sont appelés à posséder la puissante force pour garantir la souveraineté selon le principe de primauté de la capacité de se renforcer soi-même et à renforcer la cohésion et la solidarité pour être unanime à lancer une riposte contre les forces dominationnistes qui tentent d'utiliser le problème des droits de l'homme à un but politique malsain.